plus rien à faire. Partout ça soigne des croûtes, partout ça chlingue l'enfer. Y'a des enfants qui meurent alors qu'ils ont même pas un travail. Et quand je vois ça, je meurs et je crie aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La guerre, ça fait des morts, les maladies aussi. Faudrait faire plus d'efforts, faire la guerre aux maladies. On n'a pas les armes, alors que c'est eux qu'on respire. Mais moi j'ai pas peur de le dire. Ouais, demain sera pire. Demain sera pire. Les riches ils ont de l'argent, et les pauvres pas tellement. Le partage des richesses est fait avec les fesses. Et puis pour être raciste, il faut vraiment être con. On est tous identiques, on est tous des moutons. Des moutons. Et moi ce que je voudrais, c'est que j'en sais mutuellement. Que l'amour coule à flot comme l'eau dans un temps. Mais l'homme pollue tellement, dès que torrent il y a de moins en moins. Et donc l'amour d'aujourd'hui par rapport à hier, c'est moins bien. C'est moins bien. L'amour d'aujourd'hui par rapport à hier, c'est moins bien. Et donc l'amour d'aujourd'hui par rapport à hier, c'est moins bien. Société. J'ai ma mère. Je vois ce que t'as voulu dire.